considère. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 mars, c'est-à-dire exactement 2 mois après la grande mobilisation en France suite aux attentats contre Charlie Hebdo, et c'est une journée spéciale qui se prépare sur France Culture. À cet effet, je serai tout à l'heure à 6h20 en compagnie de Marjane Satrapi. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, c'est tous les jours de 6h à 6h30 ou quand vous voulez en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Et depuis lundi, Marie-Hélène Fraissé est avec nous pour la série de la semaine « Indiens d'Amérique du Nord, premier contact, choc des mondes ». Hey, hey, young, hey, hey, young, yana, ana, opa, yeah, yeah, yana, ana, opa, yeah, yeah, yana, ana, opa, yeah, yeah, ya, hey, hey, young, yana, ana, opa, yeah, yeah, yana, ana, opa, yeah, yeah, yana, ana, opa, yeah, yeah, ya, hey, hey. Bonjour Marie-Hélène Fraissé. Bonjour Toufik. Alors aujourd'hui, on va parler de cette rencontre, de ces premières rencontres en descendant la Grande Eau. C'est ainsi qu'on appelait le Mississippi. Oui, oui, c'est en langue algonquienne des Indiens, donc du groupe algonquien, ça veut dire la Grande Eau. Missi, Mista, on retrouve ça partout. Alors ce fleuve que d'ailleurs les premiers explorateurs avaient baptisé fleuve Colbert. Heureusement, il n'a pas gardé ce nom-là. Et les Espagnols qui avaient commencé à regarder vers l'embouchure, eux l'avaient appelé Espiritu Santo, le fleuve du Saint-Esprit. Donc voilà, il est resté Mississippi, on s'en réjouit. En tout cas, c'est le fleuve qui va approfondir la découverte de ce nouveau monde et donc de la rencontre avec l'autre, l'Indien, l'Amérindien. Oui, alors ce sont les Français qui le descendent parce que les Français ont déjà établi un axe à partir du Saint-Laurent, ils ont investi les Grands Lacs et il ne leur reste plus pour vraiment parcourir pas l'ensemble du continent puisqu'il reste à le traverser d'est en ouest, mais il leur reste ce grand fleuve, donc ils ont connaissance à la fois par les chroniques des Indiens et puis par quelques chasseurs de fourrure. On sait qu'il y a un grand fleuve, on ne sait pas exactement où est sa source, on ne sait pas où il arrive dans le golfe du Mexique. Donc, vers le milieu du XVIIe siècle, ça commence à intéresser beaucoup de gens, parce que les Français veulent investir ce continent pour ce fameux commerce des fourrures qui les enrichit grandement. Et il faut savoir qu'un explorateur qui arrive à effectuer un parcours dans l'inconnu, entre guillemets, parce que c'est pas inconnu de tout le monde, vu qu'il y a des gens, mais il va obtenir le titre de gouverneur. Donc, il y a des enjeux de carrière, hein. Alors, ça va être le cas notamment de celui qui accompagne le missionnaire Marquette, Louis Joliet, qui est un jeune homme de la Nouvelle-France, qui est un scientifique d'ailleurs, c'est un ingénieur, et il accompagne le missionnaire. Alors, les missionnaires, Marquette est un jésuite, eux veulent conquérir des âmes. Mais je pense que Joliet a quelques arrière-pensées de réussite personnelle plus palpable. Donc, ils vont s'aventurer les premiers sur ce fleuve et commencer à le descendre, pas sur la totalité de son cours, et là, rencontrer un certain nombre de populations, dont celle des Illinois. Donc, ça a donné le nom de l'État d'Illinois aujourd'hui, qui est l'État de Chicago. Ils vont rencontrer ces fameux Illinois, qui sont des Indiens et des sociétés amérindiennes très, très structurées, très puissantes, qui voient arriver ces étrangers avec un certain plaisir, puisque l'arrivée de l'étranger, c'est toujours pour une tribu la perspective de commercer, d'acquérir de la force, d'acquérir des objets qu'on va pouvoir revendre à l'arrière. Donc, il y a du profit à faire. Les Indiens raisonnent comme nous. On vend quoi? Des armes? De l'alcool? Alors, les objets les plus prisés sont les tissus. Les objets de métal, bien entendu, les couteaux, les aiguilles à coudre, les chaudrons, C'est plus facile de faire cuire sa soupe dans un chaudron en métal qu'en jetant des pierres chaudes dans des paniers ou dans de la terre cuite. Et il y a une grande... Et puis après, assez rapidement, bien que ce soit interdit, les armes à feu. Donc c'est à l'intérieur d'un jeu de rapport de puissance entre les communautés amérindiennes que va s'insérer le commerce avec l'étranger, avec l'européen. Alors Marquette et Joliet, et là c'est intéressant puisque en ces jours, on s'interroge sur la capacité que nous avons à dialoguer avec l'autre, que nous avons à comprendre si l'autre nous est inférieur ou au contraire, s'il est une partie de notre relation au monde que lui a plus développée que nous. Alors, c'est là que vient se glisser l'intolérance ou au contraire une forme d'ouverture à ce qui ne nous est pas familier. Alors, c'est très amusant de regarder l'épisode du Père Marquette chez les Illinois parce que parmi les choses qui vont l'intéresser, il va y avoir un certain nombre de jeunes gens qui ont des pratiques qui choquent beaucoup le pieux missionnaire. Alors, je vous donne le passage de la relation de Marquette qui va être écrite a posteriori et plus ou moins par un autre père jésuite à partir des notes de Marquette. Parce qu'il y a ça aussi, ces récits, et il faut toujours être conscient de ça, sont parfois a posteriori, sont parfois réécrits, sont parfois censurés. Donc, ce ne sont pas des textes ça, à 100% fiables. Hein depuis lundi, Marie-Hélène Freyssinet, c'était aussi à qui s'adressaient ces lettres. Voilà, il faut relativiser. Mais en même temps, là, il y a des éléments. Là, en ce n'était pas pour le roi Soleil. Non, là, il écrit pour ses supérieurs. Hein. Le jésuite, chaque année, doit relater ce qu'il a fait et sa part en France dans ce qu'on appelle les relations de jésuites. Donc, il y a un volume annuel où on collecte toutes les relations de terrain, en quelque sorte, de ces jésuites. Alors, le père raconte, donc, chez les Illinois, qu'il rencontre des jeunes gens. Et voilà ce qu'il dit. Je ne sais par quelle superstition, quelques Illinois étant encore jeunes, prennent l'habit de femme qu'ils gardent toute leur vie. Il y a du mystère, car ils ne se marient jamais et font gloire de s'abaisser à faire tout ce que font les femmes. Les femmes apprécieront d'ailleurs le terme « abaisser ». Mes sœurs féministes apprécieront. Ils vont pourtant en guerre, mais ils ne peuvent se servir que de la massue et non pas de l'arc et de la flèche, qui sont les armes propres pour les hommes. Ils assistent à toutes les jongleries et à toutes les danses solennelles qui se font en l'honneur du calumet. Ils y chantent, mais ils n'y peuvent pas danser. Ils sont appelés au conseil où l'on ne peut rien décider sans leur avis. Enfin, la profession qu'ils font d'une vie extraordinaire les fait passer pour des manitous, c'est-à-dire de grands génies, ou personne de conséquence. Alors voilà ce jésuite confronté à des personnes donc transgenres ou homosexuelles ou androgynes, visiblement donc masculines biologiquement et endossant des rôles féminins. Alors ça c'est quelque chose qui revient pratiquement dans toutes les chroniques donc des explorateurs puisque c'était à l'intérieur des tribus très répandu, qu'il y ait des personnes qui n'appartenaient ni au masculin ni au féminin. Et ce qui va beaucoup troubler les observateurs européens et les missionnaires, c'est que dans nombre de tribus, pas dans toutes, mais ce sont là c'est le cas, ce sont des personnes très estimées. Car dans la mentalité indienne, on dit un two-spirit chez les Sioux, on dit un Adle chez les Navajos, bien souvent, ce sont des personnes qui sont considérées comme possédant l'esprit d'une femme plus l'esprit d'un homme. Donc, ce sont des personnes extrêmement valorisées pour leur sagesse. On dit bien, hein, le père Marquette, on ne peut rien décider au conseil sans leur avis. Bon, ce sont parfois des personnes avec des pratiques homosexuelles, mais pas toujours. Alors, on voit dans les relations parfois des sortes de prostitution rituelle de ces jeunes gens qui s'offrent à d'autres jeunes gens. Enfin, il y a toute une gamme de pratiques à la fois sexuelles et de rôles qui, évidemment, choquent incroyablement ou perturbent énormément les missionnaires parce qu'ils ne comprennent pas. Et ça me réjouit parce que c'est l'exemple même de la très grande difficulté à concevoir autre chose que ce que l'on connaît. Et chez les Espagnols, qui vont être confrontés à des pratiques, alors par exemple, vraiment purement homosexuelles, donc... qui sont notamment dans le, chez les Indiens de l'isthme du côté de Panama, les Espagnols vont être d'une cruauté terrible. C'est-à-dire qu'ils vont carrément lancer leur chien de guerre contre ceux qui sont qui opèrent ce qu'on appelle dans le langage biblique la sodomie. Donc c'est l'intolérance. Dans certains cas, mais dans d'autres, le père Marquette, on sent plutôt du trouble, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire, ces hommes efféminés qui ont un rôle important et qui sont appréciés? Nous sommes donc en 1673, oui, pour bien montrer où on est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait quoi? C'est la Louisiane actuellement? Non, on est encore au nord, dans la partie nord du Mississippi, qui est à peu près au nord de l'embranchement de Saint-Louis, puisque Saint-Louis va devenir la grande ville de point de départ vers l'ouest, puisqu'elle est à l'embranchement du Missouri, de la grande rivière Illinois et du Mississippi proprement dit. Donc c'est un nœud fluvial. On est un peu au nord de ça. À ce moment-là, est-ce que ces Européens, qu'ils soient espagnols, français, anglais ou autres, se rendent compte que cette Amérique est peuplée de plusieurs cultures, parce qu'on ne peut pas parler d'un Indien ou d'un seul type de civilisation amérindienne? Oui, à ce point, ils commencent à se rendre compte qu'il y a une grande diversité, même s'il y a des traits communs, parce qu'il y a quand même des traits communs, et c'est pour ça que les généralisations sont souvent difficiles et hasardeuses, mais on peut aussi parfois en faire, parce que il y a des, par exemple, les pratiques dites chamaniques, un terme qui n'est pas approprié, puisque chaman c'est un terme qui vient d'Asie, mais elles sont assez similaires, les longs rituels thérapeutiques qui durent une semaine, la divination, il y a beaucoup de traits communs. Là, en l'occurrence, la vallée du Mississippi est le site de culture extrêmement développée, hiérarchisée et prospère. La région, justement, où arrive Marquette, il ne le verra pas, mais recèle une ville qu'on visite aujourd'hui qui s'appelle Cahokia, qui est une ville avec des tumulus, qui a été une ville extrêmement prospère et qui a été probablement déjà en partie, dont la population a été déjà probablement impactée par les épidémies avant même que les Européens arrivent. C'est-à-dire que quand des Européens commencent à arriver sur les rivages, les germes dont ils sont porteurs vont commencer à se disséminer dans l'intérieur du continent. Et ce qui se passe très souvent, c'est que en avançant à l'intérieur du continent, ils découvrent des villages dépeuplés parce que les épidémies ont cheminé plus vite que les explorateurs. Et en plus des épidémies, les Français, vous le dites très bien dans ce livre édité par Albin Michel récemment, Marie-Hélène Fraissé, l'impensable rencontre, les Français vont ramener la guerre puisqu'ils distribuent ici et là des objets de métal et même des armes à feu comme gage d'alliance, mais surtout pour attiser les rivalités des communautés environnantes. Ah oui. Mais est-ce qu'on peut dire que Marie-Hélène Fraissé, que les Indiens n'ont pas attendu les Français pour déjà se livrer entre eux à des guerres? Ah mais c'est sûr, mais simplement, et c'est le plus au sud, ça sera le trait de génie de Cortés, c'est que vous arrivez donc dans un pays qui est investi depuis des millénaires, avec des populations qui ont à la fois des pratiques de commerce, d'échange de femmes et de rivalité, donc de guerre. Donc vous arrivez l'étranger, donc vous allez être instrumentalisé par le premier que vous rencontrez, qui considère que vous représentez un atout très important pour mieux affirmer sa puissance par rapport aux autres tribus tout autour. Donc voilà, alors ce jeu-là, certains explorateurs ont su le jouer à merveille. C'est ce qu'a fait Champlain à Québec. Il va se mettre du côté d'une population qui est plus la population algonquienne et il va très très vite devenir, étant l'allié de ces Indiens, l'ennemi de fait de la Confédération iroquoise. Donc, le jeu des alliances est partie prenante du projet colonial. Regardez ce qui s'est passé en Afrique, je veux dire, divisé pour mieux régner. Alors, la colonisation française va se faire avec Cavelier de La Salle, qui sera l'explorateur suivant, un peu moins de 10 ans plus tard. Cavelier de La Salle va descendre, lui, ce qu'elle n'avait pas fait Marquette, il va descendre tout le fleuve jusqu'au delta. Et il va, et c'est là encore, moi, quelque chose que je trouve étonnant, il ne cesse de rencontrer des populations dans de grandes demeures, de véritables empires, même si on n'est pas encore dans l'empire mexicain, qui est plus au sud, mais ce sont des populations puissantes, structurées, hiérarchisées, puisqu'ils traversent la civilisation Natchez, qui est une civilisation pyramidale. Eh bien, dans le delta du Mississippi, il plante sa croix et il met une petite plaque en disant que désormais ce territoire est le territoire du roi de France et que ça s'appelle Louisiane. Indien d'Amérique du Nord, premier contact, choc des mondes par Marie-Hélène Fraissé. On se retrouve demain et demain on va faire la traversée du continent en compagnie de Mackenzie, bien sûr, le précurseur, mais aussi de Lewis et Clark, les envoyés de Jefferson. À demain, Marie-Hélène Fraissé. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Et mon invité aujourd'hui, Marjane Satrapi. Bonjour, ravi de vous revoir. Merci Toufik, pareillement. Et vous êtes cette fois-ci réalisatrice d'un film que vous n'avez pas écrit, The Voices. On en parle dans un instant, mais aujourd'hui, ce mercredi 11 mars, c'est une journée spéciale sur France Culture. 2 mois après les attentats, 2 mois après la grande mobilisation, où en est la République ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec des spécialistes, des sociologues, des philosophes, des historiens. Et si on commençait par vous, Marjane Satrapi ? Écoutez, vous pouvez imaginer qu'en France, on n'est pas 2 millions de dessinateurs, on est quand même un nombre réduit, donc on se connaît tous. Donc ces attentats-là, ils m'ont touchée d'une façon très personnelle, parce que je connaissais les gens. Et puis surtout que j'ai quitté l'Iran pour venir en France pour les raisons de la liberté d'expression. Donc ça veut dire personnellement et humainement, ils m'ont beaucoup touchée. Donc j'étais vraiment très, très attristée. Et... je pense en fait qu'il n'y a pas vraiment de question à se poser, c'est-à-dire que est-ce que les gens ils ont le droit d'être subversifs? Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de dessiner? Oui. Est-ce qu'on a le droit de les détester? Oui. Est-ce que ça nous donne le droit de les tuer? Non. Voilà, pour moi la discussion s'arrête là. C'est comme tous ces gens qui disent ce film me frustre, ben n'allez pas le voir. Enfin, vous voyez, c'est après je pense que c'est très bien aussi parce qu'on a été pendant un long moment dans l'émotion. Ce qui est normal. Mais après, il faut essayer de comprendre pourquoi ces choses-là, elles arrivent d'un point de vue national, au niveau de la France, d'un point de vue géopolitique plus grand, de trouver les raisons, en fait, pour voir ce qui ne va pas pour que ce genre de choses, elles arrivent. Parce que ces mêmes mecs qui tuent les gens de Charlie Hebdo, c'est les mêmes mecs qui sont à Daesh, qui tuent les Syriens, les Irakiens, c'est la même chose. Donc, regardez ce problème... d'une façon plus grande. Et il y a des choses aussi qui m'attristent, je ne vous cache pas, quand je vois l'extrême droite israélienne qui tient le Charlie Hebdo comme signe pour eux-mêmes, ayant connu Kabu, je pense qu'il ne doit pas être très très content dans sa tombe de voir des extrémistes utiliser aussi cette image-là. Donc voilà, j'espère que la mobilisation va continuer et surtout la réflexion que nous allons faire sur nous-mêmes va continuer. Voilà. Et 2 mois après la mobilisation, est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions sur la République? C'est quoi une République aujourd'hui, Marjane Satrapi? Écoutez, ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que, sérieusement, je ne pense pas que c'est à moi de répondre, comme vous disiez, les historiens, les philosophes, les géopoliticiens. C'est mieux que ce soit eux qui répondent. Moi la chose, elle me touche tellement personnellement que je n'ai pas réellement d'analyse à faire là-dessus. Une grande tristesse, mais je trouve que les questions qu'on se pose sont les bonnes. Mmh. Voilà. Alors tout à l'heure, avec Marc Voinchet, il y aura la philosophe Mona Ouzouf, que vous connaissez, et Emmanuel Laurentin, bien sûr, le producteur de la Fabrique de l'Histoire, et qui coordonne l'ouvrage « Histoire d'une République fragile 1905-2015, comment en sommes-nous arrivés là ?» qui sort aujourd'hui. Et puis ensuite, tous les programmes seront consacrés justement à cette journée « On est la République », Culture Monde, justement, vous en parliez, Marjane Satrapi, Florent Delorme va voir comment les gens ont réagi à cet attentat, aux réactions, mais à travers le monde, c'est-à-dire un tour du monde. Et puis il y aura aussi la République face à la fragmentation des identités chez Caroline Brouet. À la Grande Table, vous étiez d'ailleurs avant-hier pour parler de votre film. Mais à propos du dessin, Marjane Satrapi, vous qui êtes d'origine iranienne, il y a un vrai problème parce qu'en Iran, on peut dessiner, c'est pas un problème. C'est-à-dire on peut représenter le prophète. Je viens même d'apprendre qu'il va y avoir sans doute une grosse polémique dans les semaines à venir, puisqu'il y a un projet de film sur le prophète que les Iraniens voudraient produire, tout à la gloire du prophète, je suppose, mais qui ne satisfait pas l'autre branche de l'islam, les sunnites. Ben, c'est-à-dire que les sunnites, ils n'ont aucune représentation humaine, alors que chez les chiites, vous avez la représentation humaine. Donc vous savez, moi, j'ai même vu une photo du prophète, c'est-à-dire c'est une photo, évidemment, ils ont pris un jeune homme très beau, et cette photo traîne chez beaucoup de gens qui sont même religieux, c'est la photo du prophète. Il y a le imam Ali, enfin cette représentation, elle existe. Donc c'est vraiment, ça se passe ailleurs, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est les pays sunnites en fait, où ils ont un problème avec la présentation humaine. Donc, et encore les voilà. Extrémistes de ces pays-là. Oui, et encore, il faut dire, c'est, encore une fois, c'est les extrémistes de ces pays. Mais est-ce que vous avez l'impression que plus que jamais, il faut être combatif, il faut dessiner, il faut... Ou vous êtes plutôt du genre à dire, vaut mieux discuter, vaut mieux aller mollo, vaut mieux faire de la pédagogie et pour arriver, comme les autres religions, à un compromis. Parce qu'on est tous passés par... Toutes les religions monothéistes sont passées aussi par ce problème de représentation ou pas. Écoutez, n'étant vraiment pas religieuse, je pense que c'est pas moi qui va changer la religion mais dès le départ. Mais après, vous savez, il faut jamais oublier aussi que, par exemple, dans le cas de Charlie Hebdo, c'est un journal satirique et qui a toujours eu dans l'histoire de faire des actes de provocation. Ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'islam, c'est vis-à-vis de plein de choses différentes. Il faut aussi dire qui a fait ça. Donc, moi, par exemple, dans mon propre travail, moi, je suis jamais allée vers la provocation. Mais ça, c'est moi. Est-ce que c'est parce que moi, je le fais pas que personne n'a le droit de le faire? C'est la question, elle est là. Bien sûr que si, les gens, ils ont le droit de s'exprimer comme ils veulent. Et puis je vous dis, quand vous n'aimez pas un dessin, vous répondez par un dessin, ou vous faites, je ne sais pas, vous faites un procès, ou vous écrivez un article, mais en tout cas, la réponse à un dessin, c'est jamais le meurtre. Ce n'est qu'un dessin. Marjane Satrapi, est-ce que le fait qu'une carrière semble s'ouvrir à vous à Hollywood, c'est une manière pour vous de quitter la France? Ah non, j'adore la France, pour vous dire, ça fait, maintenant ça va faire bientôt, au mois de mai, ça va faire 21 ans que je vis en France, j'aime beaucoup ce pays, c'est-à-dire quand on me dit qu'il y a 30% des Français qui ont des idées favorables pour Marine Le Pen, oui, mais ça reste 70% des Français qui n'ont pas des idées favorables pour Marine Le Pen. Et étant quelqu'un de optimiste, je préfère regarder ce 70% et pas ces 30%. Ma maison, maintenant, c'est en France. Non, je ne quitte pas la France. Il y a des choses que j'ai envie de faire ailleurs. Il y a des choses que moi, j'aimerais faire, par exemple, ce genre de film, on ne les fait pas en France. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne vois aucune raison pour qu'on ne les fasse pas. Mais on ne les fait pas. Donc, je vais les faire ailleurs. Mais non, j'aime trop la France. Et puis, j'aime trop pouvoir encore fumer des cigarettes aux terrasses des cafés pour quitter la France. Et par exemple, à Los Angeles, où primo, je ne peux pas fumer. Secondo, je ne peux pas marcher. Après, il n'y aura que des blondes aux gournichons. Non, ça ne me plairait pas. Je préfère être là où je suis. Bon, donc, moi, j'avais l'impression qu'à Paris, vous étiez prisonnière de votre succès d'auteur de bande dessinée, de Persepolis, et que vous vouliez prouver qu'en allant à Hollywood, que vous pouviez faire autre chose. D'autant plus qu'avec ce film de Voices, qui est un film de genre, on va en parler, vous êtes réalisatrice, c'est-à-dire c'est un scénario que vous n'avez même pas écrit, qui n'a rien à voir avec l'Iran, rien à voir avec votre vie à Paris. Oui, mais vous savez, je vous assure, tout fixe, c'est pas du tout une question de prouver, c'est des bandes dessinées, moi ça fait 11 ans que j'en fais pas. Bon, oui. Après c'est quelque chose qui a beaucoup marqué l'esprit des gens, donc je peux pas leur en vouloir. Vous voulez dire que c'est une page définitivement tournée? Ah oui, absolument, c'était une vie que j'ai eue, que j'ai beaucoup aimée, mais vous savez, quand j'ai fait un livre de bande dessinée, à la fin, quand le truc il est fini, génie. Est-ce que je suis surprise? Pas du tout. Parce que, en fait, c'est moi qui contrôle tout, je dessine tout, j'écris tout, etc. Quand je travaille une équipe, bon, déjà, vous savez, j'ai mon décorateur qui décore mieux que moi, mon monteur qui me monte mieux que moi, mon chef-op qui tient mieux la caméra que moi. Donc, déjà ça. Et puis, il y a les acteurs qui incarnent quelque chose et qui va au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Donc, à la fin, j'ai une surprise que je n'ai pas. Et puis, aussi, dans le cinéma, il y a cet aspect technique qui me plaît beaucoup, qui change chaque jour. Donc, il y a... Et ce travail en équipe me plaît beaucoup. Donc, du moment où j'ai découvert le cinéma, j'ai plus fait de bande dessinée parce que c'est le moyen qui me convient le mieux. Après, c'est vrai que j'ai écrit mes scénarios, j'ai beaucoup aimé faire ça, mais sincèrement, travailler sur une histoire qu'on vous offre, c'est extraordinaire parce que c'est... Mais alors, comment c'est arrivé? Ben, il est arrivé que j'ai un agent américain, donc évidemment c'est dans l'intérêt de mon agent de m'envoyer un maximum de projets parce que il a pas un salaire par mois, c'est que si je fais un projet qui m'amène, il a son pourcentage. Donc il m'envoie, et puis il y a rien qui me plaît parce que vous savez, il y a tellement de scénarios qui est la énième version de machin, la xième version de truc. C'est les films qu'on a vus et je vois ce film-là, et effectivement, et, enfin, je peux dire vraiment je le vois parce que en lisant le scénario, j'ai vraiment, il y a des images qui me viennent, choses qui pratiquement jamais quand je lis un scénario. Et puis je me dis quand même, comment ça se fait que j'ai autant d'empathie, de sympathie pour un serial killer? Et puis... Ah, c'était déjà dans le scénario, c'est pas votre patte, parce que c'est vrai que c'est un film de genre avec un serial killer et c'est un regard très attendrissant pour le pauvre serial killer. Mais en fait, dans le scénario, il dit pas, il est sympa. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je lis et je me dis, c'est un garçon en fait de 10 ans qui est dans le corps d'un homme qui a la trentaine. Il est irresponsable de ses actes. En plus, il ne fait rien. Il est gentil. Il veut faire partie de sa petite communauté. Il fait de son mieux. Et puis bon, c'est vrai qu'il est dingue, quoi. Donc il entend des voix. Voilà, il entend des voix. Ces animaux lui parlent. Alors justement, il y a un chien et un chat et vous avez décidé. Marjane Satrapi, que le chien allait représenter la vieillesse, la sagesse, le bon côté, et que le chat, c'était plutôt le cynisme, le meurtre. Pourquoi? Écoutez, dans la vraie vie, vous n'avez pas un chat de policier, vous avez des chiens de policier. Ça, c'est la réalité. Vous avez un chien d'aveugle, vous n'avez pas un chat d'aveugle. Donc ça, c'est une base. Après, moi, je ne pense pas que le chien, il soit la gentillesse et le chat le cynisme. Parce que le chat, on peut dire aussi qu'il est super honnête et hyper drôle. Et le chien, il sort poncif sur poncif. Et il est quand même tout de même un peu chiant. Moi, mon personnage préféré, c'est le chat parce qu'il me fait mourir de rire. Le chien, je l'ai déjà entendu 1000 fois, mais ce chat, il me fait chavirer le cœur, je l'adore. The Voices, est-ce que vous aussi vous entendez des voix, Marjane Satrapi, ça vous arrive? Non, parce que je me parle tellement qu'il n'y a pas de place en fait pour d'autres voix à venir dans ma tête. Donc non, je vois surtout des images par contre, mais non, des voix j'entends pas. Merci d'être passé ce matin. Merci à vous. Le film de Marjane Satrapi sort aujourd'hui. Dans un instant, les premières informations. Et ensuite, Marc Vancher avec Mouna Ouzouf et Emmanuel Laurentin. C'est une journée spéciale sur France Culture où on est la République 2 mois après la grande mobilisation du 11 janvier. Merci de nous retrouver sur franceculture.fr. Notre jour est possible, réalisé par Thomas Duterre et préparé par Henri Leblanc. Je vous retrouve demain.